Chapitre 18e. Comment Mademoiselle Cornélie reçut la nouvelle. Le lendemain de ce jour, le rhume de Mademoiselle Carlyle était presque guéri. Il l'avouait, se trouvant assis seul avec elle, après le dîner, crut devoir lui révéler ses projets de mariage. « Cornélie, vous devez vous rappeler les reproches que vous m'avez adressés autrefois au sujet de mon mariage. »« Oui, » répliqua la sœur. Si vous ne m'en aviez pas fait un mystère de ce mariage, si vous m'aviez consulté, le cours des événements aurait pu changer complètement et cette maison aurait échappé à la honte qui l'a écrasée. Ne parlons plus du passé, considérons l'avenir. Je ne veux pas une seconde fois encourir votre déplaisir et je me hâte de vous apprendre que je vais me remarier. Mademoiselle Carlyle tressaillit de la tête aux pieds. Ses lunettes s'échappèrent de son nez et elle laissa tomber de ses genoux la boîte à ouvrage. Que m'apprenez-vous là ? Dit-elle avec effroi. « Je vais me remarier. Vous ? Oui, moi. Qu'y a-t-il là d'étonnant ? Mais vous allez vous attirer le ridicule du monde entier. Franchement, Cornélie, je ne sais plus comment me conduire avec vous. Cette existence n'est plus tenable. Je ne puis me laisser traiter toujours comme un petit garçon. Je vous traite en enfant parce que vous n'êtes qu'un grand enfant. Lors de votre premier mariage, je vous ai cru fou. Aujourd'hui, je vous crois deux fois fou. Il vous a plu de rester fille. En devez-vous conclure que je dois rester veuf et garçon ? Vous vous trouvez heureuse d'être seule. Moi, je me trouve plus heureux d'avoir une compagne. Ainsi donc, reprit Cornélie avec rage, vous n'êtes point satisfait du déshonneur que votre première femme a jeté sur votre nom. Vous voulez encore du scandale, de la honte ? Carlyle rougit, mais demeura maître de lui-même. Non, fit-il avec calme, je n'ai aucune crainte. Celle que j'ai choisie ne me déshonorera point. Cornélie rassembla ses instruments à tricoter et les replaça dans la boîte que son frère avait ramassée. Les mains lui tremblaient, les traits de son visage s'agitaient convulsivement. « Peut-on savoir le nom de votre nouvelle dulcinée ? » demanda-t-elle d'un ton sec. « Qu'importe mon choix, vous le blâmerez toujours. Fille d'un roi ou fille d'un paysan, vous saurez toujours y trouver à redire. »« Qui est-ce enfin ? » ?»« Barbara Hare. »« Qui ?» vociféra Cornélie. « Êtes-vous sourde, ma sœur ?»« Non, je ne suis pas sourde, mais vous, mon frère, vous êtes prodigieusement sot. Merci bien, Cornélie. » se contenta de répondre Carlyle en souriant. « Il n'y a pas de quoi !» riposta la vieille fille. « Ce n'est pas Archibald, mais Archibette que l'on devrait vous appeler. Il faut en effet que vous soyez archi-fou pour vous être laissé prendre au filet de cette coquette qui n'a cessé de courir après vous. Elle n'a point couru après moi, Cornélie. Elle a pu me témoigner jadis quelques sympathies, mais elle n'en a rien laissé paraître depuis bien des années. Et je suis aussi convaincu qu'elle ne s'attendait pas plus à ma demande que vous ne vous attendiez vous-même à devenir ma femme. Ce n'est qu'une petite orgueilleuse, infatuée d'elle-même, aussi vaine que prétentieuse. Avez-vous autre chose à lui reprocher ? J'aurais voulu, moi, une femme sans tache, tant qu'à me marier. Sans tache ? Oui, sans tache, grand nigaud que vous êtes. Et mon Dieu, est-ce donc un honneur que d'avoir pour frère un homme tel que Richard ? Ce n'est pas une tache sur le nom de Barbara. Et bientôt, peut-être, l'on verra que ce n'en est pas une non plus pour celui de Richard. Il y a peut-être des merles blancs. Quant à moi, je n'en ai jamais vu. Maintenant, ma sœur, poursuivit l'avoué, parlons d'autre chose, s'il vous plaît. Songeons un peu à votre résidence. Vous vous retirez de chez vous, je suppose. Cornélie n'en pouvait croire ses oreilles. Me retirer chez moi ? Criait-elle. Jamais, jamais. Je suis à Eastline et j'y reste. Pourquoi donc m'en irais-je ? Il le faut. Insista Carlyle d'un air décidé. « Qu'en savez-vous ? C'est mon désir, ma volonté. Ne vous souvient-il plus de cette nuit funeste, la nuit de sa fuite ? Ne vous souvient-il plus des paroles prononcées par Joyce ? Les avez-vous oubliées, ces paroles ? Vraies ou fausses, je ne suis nullement disposé à tenter une seconde épreuve. » Cornélie ne trouva rien à répondre. Elle courba la tête et ses lèvres s'entr'ouvrirent et se refermèrent machinalement. Lui rappeler cette révélation de Joyce était l'écraser. « Croyez, ma sœur, que je n'ai pas l'intention de vous blesser, » continua Carlyle avec des inflexions plus douces dans la voix. « Maîtresse de ma maison pendant tant d'années, vous désirez l'être encore rien de plus naturel. Mais il ne faut, dans une maison, pour le bonheur même du ménage, qu'une seule maîtresse. » Il fallait me dire tout cela la première fois que je suis venu à Eastline. J'aime qu'on soit franc. J'ignorais alors ce que j'ai appris depuis Cornélie. L'expérience ne vient qu'à la longue. Personne. Non, personne ne pourra gérer votre maison comme je l'ai fait, grommela Cornélie. Je ne dis pas non, mais mon parti est arrêté. Vos locataires sont vos au mois de mars, n'est-il pas vrai ? Oui, mais puisque nous voilà sur le chapitre des détails, permettez-moi de vous dire que vous agiriez sagement en prenant une autre maison. Le domaine d'Islaine est beaucoup trop grandiose et trop dispendieux pour vous seul. Je ne suis pas de cet avis, ma sœur. Songez-y bien, Archibald, en m'en allant, j'emporte avec moi mon revenu. C'est bien ainsi que je l'entends. Vous êtes libre d'emporter votre revenu et d'en faire ce que bon vous semblera. Fort bien, mais quand il vous manquera, ne vous en prenez qu'à vous seul. Du train où vous allez, j'entrevois pour vous dans l'avenir une banqueroute inévitable et complète. J'y mettrai bon ordre, Cornélie, repartit Carlyle en souriant. Si je reste à Eastline, c'est que je crois pouvoir y rester. Ah, mon Dieu! Soupira la vieille fille d'un ton lamentable. Dire que vous allez encore vous sacrifier. Et pour qui? Pour une petite extravagante, une coquette, une parvenue, une reptile? Avec la permission du soleil, nous ferons photographier ce portrait, fit Carlyle en pouffant de rire. Ce dialogue, qui aura pu durer plus longtemps, fut heureusement interrompu par l'arrivée de Pierre, qui venait annoncer la visite du major Thorne. Carlyle parut assez surpris de cette visite inattendue, car il croyait le major bien loin de Westline. Il se rendit au salon et Cornélie sonna Joyce. « Joyce, » fit Cornélie d'un ton brusque et colère, « votre maître s'est laissé attraper de nouveau, et comme je ne prétends pas le gêner, je le quitte, lui et Eastline. Voulez-vous faire de même, venir avec moi et être ma domestique de confiance comme autrefois ?»« Que m'apprenez-vous là, madame ?» s'écria Joyce ébahie. « Qu'est-il arrivé à monsieur ?»« Il vient encore une fois d'être la dupe d'une femme !» « Voyons, lequel préférez-vous, rester ici ou me suivre ?»« Vous suivre, madame, mais à une condition. »« Laquelle ? Vous connaissez la promesse que j'ai faite à Lady Isabelle. Cette promesse qu'elle a exigée de moi quand elle se croyait sur le point de mourir, la promesse de ne jamais quitter ses enfants. »« Oui, mais il y a une chose à laquelle vous n'avez pas songé, Joyce. Quand il y aura ici une nouvelle maîtresse, vous permettra-t-on d'y rester ?»« C'est vrai, » fit Joyce d'un air rêveur, « on me chassera peut-être. » « Je vais réfléchir à tout ceci, » ajouta-t-elle, « et je vous rendrai réponse un peu plus tard. »« Ah, quel affreux voyage !» s'écriait de son côté le major Thorne dans le tête-à-tête qu'il avait avec Carlyle. « Pluie, grêle, tonnerre, chaleur accablante, tout vient à point dès que je me mets en route. Il y avait sur les rails je ne sais combien de pouces de neige et nous avons dû attendre 2 heures à une seule station. Deviez-vous séjourner quelque temps à Westline ?» demanda l'avoué. « Non, je repars demain. Le fait est, mon ami, que c'est une dame qui m'amène ici. Vraiment ?»« Je suis amoureux fou de Barbara Hare. Il est vrai qu'en réponse à ma demande en mariage, la poste m'a fait parvenir un nom qui me laisse peu d'espoir. Toutefois, j'ai voulu plaider ma cause en personne et j'arrive dans cette intention. » Carlyle se recueillit un instant, puis il conclut qu'il y aurait de la générosité et de la franchise à informer le major de la vérité. Cela vaudrait infiniment mieux de l'exposer au refus réitéré de Barbara, ainsi qu'aux plaisanteries du premier venu. « Voyons, dit-il, me donnerez-vous un coup d'épée si je prends sur moi de vous révéler une chose désagréable ? Si je vous annonce que vous adressez une seconde fois à Mademoiselle Hare serait à peine perdue. Que se dire, elle n'est pas mariée ? Non, mais elle va l'être. Ah, voilà bien ma maudite étoile. Et quel est le remords d'elle ? Vous ne me provoquerez pas en duel si je vous le dis, Carlyle. Serait-ce-vous par hasard ? Moi-même. Il y eut un moment de silence. Carlyle rompit. Cela ne doit pas nous brouiller, cher Thorne. Qu'en pensez-vous ? Eh non, parbleu, nous resterons bons amis, fit-il en serrant fortement dans les siennes la main de l'avoué. Il faut savoir accepter son sort, et puisqu'elle m'échappe, j'aime autant que ce soit vous qui la possédiez. Vous avez de la chance, Carlyle. Elle est bien jolie. « Pour parler d'autre chose, » interrompit l'avoué, « en quelle année vous trouviez-vous à Swainson ? L'année même du meurtre de Hallinjohn. Pendant votre séjour en cet endroit, vous souvient-il d'avoir entendu parler d'un individu qui porta le même nom que vous ?»« Oui, je l'ai même rencontré une fois, mais une seule. Où cela ?»« À 2 000 environ de Swainson, dans une taverne située sur la route. J'étais à cheval, un orage terrible éclata tout à coup, et je me réfugiais dans cette maison. À peine fus-je entré qu'un autre cavalier vint s'y abriter aussi. » Il était grand et élancé, il avait un air fashionable et quelque peu dédaigneux. Il s'en alla avant moi et je demandai alors qui c'était. On n'en savait rien, bien qu'on le vît souvent passer ainsi à cheval. Mais un gros gaillard qui se trouvait là attablé et occupé à boire m'apprit que c'était le capitaine Thorne. « Le reconnaîtriez-vous s'il était devant vous ? » poursuit Carlyle. « Je le crois. Il y avait dans sa physionomie une expression singulière dont je me souviens encore. Eh bien, ajouta l'avoué. Si le hasard vous le faisait rencontrer de nouveau, tâchez de savoir qui il est, car Thorn n'est qu'un nom d'emprunt. J'en suis sûr, et surtout, faites-moi le plaisir de me prévenir sur le champ. De tout mon cœur, s'écria le major en prenant congé de l'avoué. Carlyle se disposait à aller rejoindre sa sœur dans la chambre où il l'avait laissée, mais il fut interpellé par Joyce. « Monsieur, il va donc y avoir des changements à Eastline, à ce que dit Mademoiselle Carlyle. » Ses paroles surprirent l'avoué, et d'un ton qui trahissait son mécontentement, il répondit « Mêlez-vous de vos affaires. »« Pardon, monsieur. » Ce que m'a dit Mademoiselle Carlyle, c'était dans une bonne intention. Comme elle s'en va, comme elle vous quitte, elle a voulu savoir si je l'accompagnerais, et je n'ai pas voulu lui donner une réponse décisive sans vous avoir consulté, monsieur. Eh bien, après, j'ai fait une promesse, monsieur, à ma dernière maîtresse. J'ai pris l'engagement de rester avec ses enfants, aussi longtemps du moins qu'on me le permettrait. Elle était malade alors, elle croyait mourir. Je voudrais savoir maintenant si les changements qui vont avoir lieu me permettront de continuer mes soins aux enfants. Joyce, répliqua Carlyle d'une voix accentuée, vous resterez avec les enfants, c'est mon plus fervent désir. Oh, merci, merci, monsieur, s'écria la bonne servante, tandis que ses yeux rayonnaient de bonheur. Puis elle quitta la chambre.